Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Intramuros, extramuros, de quel côté des murailles sommes-nous? Il y a des voitures, des boutiques, le haut rempart enserre toute la ville, et l'on peut avoir aussi l'impression que toutes les maisons sont entourées d'un rempart. L'ouverture d'une maison, c'est un ombilique. Où sommes-nous? Avez-vous déjà visité Marrakech? Oui? Non? Oui? L'heure est venue d'y retourner alors, et pour cela de suivre René Farabet et Colette Fellouze. Une ville qui, selon un intervenant, est devenue une sorte de cinéma. Les visiteurs et les habitants, toute la vie de Marrakech, oui, c'est du cinéma. Un film qui se tourne en permanence, 24 heures, dans les souks, dans les boutiques et dans la mentalité des gens. Première diffusion sur France Culture, le 11 octobre 1981. La ville semble avoir été édifiée de telle sorte que la durée requise pour en trouver le plan corresponde exactement à son temps de parcours. ACR, Atelier de création radiophonique. Et sa phrase sera la ville, Marrakech. Par René Farabet, Colette Fellouze, Georges Sebag, Daniel Siboni, Claude Ollier, Marak Schmedine, extrait. Et un fragment à temps décalé. Simon Abitbol, Haïm Siboni, juif, arabe, Mela, Médina. Lolé Bellon, Michel Bouquet. Chef opérateur du son, Jean Delorent. Collaboration technique, Mireille François, Jacques Lémet. Et sa phrase sera la ville, Marrakech. Fut-il terre de passage plus ardemment foulée que cet espace du couchant, d'est en ouest, amoureusement, comme de sud à nord, en frayage de conquête et frisson de culture. Histoire convulsive, morcelés, quadrillés de raids, des fils de chaînes immémoriales croisés de trames bigarrées par un jeu forcené de navettes. Ô fondateurs issus des dunes, le long des ouèdes, filant en pointillés sous les sables, oasis, berceau des dynasties, comme on dit. Qu'étrange dut être cette montée au nord, l'ultime passe dans la neige, les raies de lumière au soir, pointant le lieu où serait la ville. Et la descente heurtée, la halte interloquée, l'établissement sur la rive plane où jamais l'eau n'aura manqué. La belle affaire. S'armer d'une baguette et désigner d'un coup l'endroit privilégié. D'un geste prompt, des seins doigts tendus, susciter la levée des murs, des tours et des toits accolés, des marchés, des mosquées. Ce fut un 7 mai, dit-on. Voilà 9 siècles et 7 années. Cité pillée, brûlée, reprise, réédifiée. Ton plan persiste, méridional aux yeux de tous aujourd'hui. Combien nordique à qui vient du désert, centre de gravité de ce pays, chaque fois qui retentit sans phare le battement africain de sa musique. Charlatans et juristes, médecins, ascètes et troubadours, mystiques, copistes, quel trafic à tes abords. Les astronomes, s'ils sont plus, philosophes toujours, le plus fameux d'entre eux y a vu Canope, qu'on ne voit pas en Andalousie. Merci bien, merci. إلا ما تكون بيناتكم واحد الصداقة تامة واحد المعزة واحد المحبة لا تسمح لياش إلا نخليك تبهدل ما بين النساء الله يبهدل لك الشباب عطيني بيا إلا نخليك من فلوس النكاح الله يدلك عطيني بيا بغيتي من عندي ما خير ها عطيني 40 ريال هذه سيدي سيدي C'était là-bas où il y avait plein d'attractions. C'est là-bas où un touriste a été mordu par une vipère. Il y a de tout. Il y a les charmeurs de serpents, il y a beaucoup de jeux là-bas. À l'époque, quand on était jeune, on aimait bien aller écouter, j'allais dire Sikhot, c'est-à-dire conférence en arabe, en hébreu. On allait écouter ce que disait le... Oui, mais tout ça, c'est rentré dans l'ordre, c'est fini. J'aime beaucoup notre ville. Nous avons notre rouge que nous appelons Marrakech la rouge toujours parce qu'on n'a pas le droit de peindre autrement qu'en rouge tous les murs de l'extérieur. D'ailleurs, vous avez dû le remarquer. Ça s'appelle Marrakech la rouge et puis c'est habituel. Il y en a Marrakech et Fès, ici au Maroc. Marrakech, c'est fait pour le tourisme. C'est comme si vous aviez dit... C'est fait pour tout d'ailleurs. C'est fait pour tout. Fès, il est bien. Fès, Meknès. Meknès. Ça, c'est l'ancien ville de Maroc. Ah, Fès, il ne dit pas le Maroc, il fait Fès, Marrakech, Meknès, et le sud de Marrakech, Agadir, Taroudan. Taroudan, je sais, c'était un vieux ancien. Vous avez vu aussi le roi Hassan de la plupart de son temps, il passe ici à Marrakech. Hein. Il aime Marrakech. Parce qu'il a un climat qui est très très bien. Soleil. On atteint des fois 48-50, hein. Comment dire, le soleil, on l'évite, nous autres. Vous venez de loin pour le soleil, mais nous, non, on l'évite, parce que nous avons le soleil 11 mois par an, hein. Nous avons toute l'année le soleil, nous autres. Même le jour où il pleut, ça pleut une demi-journée, l'après-midi, vous avez le soleil. Non, si ce n'est qu'au point de vue que je vous ai dit, le climat marocain est unique. C'est un très bon climat. Alors, c'est ici, monsieur Dan, celle-là, c'est le palais El Badr. Le palais dynastie saadien d'Ahmed El Mansour Le Doré. C'est ici, monsieur Dan, qu'il a travaillé le festival de folklore dans Marrakech. C'est le palais-là, c'est la date du 16e siècle. Alors, c'est ici, monsieur Dan, il y a 5 bassins de femmes de roi d'Ahmed El Mansour. Ça, c'est la piscine avant. Et le grand porte-là, monsieur, noir, il y a 4 chambres, il y a 4 femmes officielles. Et l'autre concubine, 250. Allez, parle, monsieur. C'est bon, hein? Pardon, la main, c'est du bout de tête. Mais je chauffe d'accord, je suis là qui fait. Vous avez visité les. Les tombeaux saadiens, tout ça. Non. Il ben, faut y aller parce que c'est merveilleux. Vous avez l'architecture, là, l'ancienne architecture marocaine. En or et tout ça. Il faut voir la vallée d'Orica, il faut voir la Minara, les tombeaux saadiens, la madrasa de Ben Youssef, ici, vous l'avez vu. La Goudal, la Minara Koutoubia aussi. Ashwaqiya. La Dar le Bdiya, le Bahia. Il y a des quartiers ici dans la Médina, ils sont bien aussi. Il y a des quartiers, des anciens quartiers ici à la Médina. Et puis les nouveaux quartiers, c'est Oubilis. Écoutez, l'ancien Médina n'a pas changé. Vous avez la Médina, qui est uniquement habitée par les musulmans. Et vous savez, c'est immense Marrakech. Tous les environs, ça s'appelle toujours le quartier arabe. La Kasbah et tout ça, c'est la Médina. Qui dit Médina, dit tous les quartiers arabes. Le Guélize, à l'époque, c'était pour les Français. Eux seuls devaient l'habiter. À quelques rares exceptions israélites, mais à part ça, c'était eux qui occupaient le Guélize. Seulement, ce n'était pas aussi construit que maintenant. Et c'est occupé par les propriétaires, tous sont musulmans. Avant, il y a des gens, il n'y a pas de maison. Maintenant, tôt, les gens, il y a de maison. Avant, les gens, il n'y a pas de voiture. Maintenant, à peu près 50%, il y a des voitures, il y a des motos cyclistes, il y a des... Tout. Maintenant, tous les gens, ils sont contents. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des Marocains? Le plus fameux d'entre eux y a vu Canope, qu'on ne voit pas en Andalousie. Se sentait-il à l'aise au-dedans des remparts? À calculer les probabilités du ciel. À quoi songeait le messager, le prosélyte, le trafiquant, franchissant les portes sur son âne et guettant la prochaine tour déjà à des lieux de là, recommandant son âme au dieu de Muhammad ou d'Abraham, selon le cas. À parer de sabots ailés sa monture. Où fuyait-il un corps perdu, l'en-dedans des murs? La ville était entourée de montagnes, et vous voyez, je dis était, elle l'est encore d'ailleurs, entourée de montagnes enneigées, mais ce n'est pas des choses qu'on remarque, au sens où on n'y allait pas forcément dans ces montagnes, vous voyez. le rapport à la montagne en Europe. Vous êtes dedans, vous skiez, vous... C'est un décor seulement ? Ben là, ça sert un petit peu d'une espèce de cercle blanc en hiver. Une espèce de... La ville est cerclée, oui, de montagnes. Et... C'est même pas un décor, parce qu'un décor, on s'en sert. Tandis que là, c'est une ligne d'horizon. Ça, on ne sait pas contre quoi on est rempardé avec ça. Et ce qui était justement important, c'est que je n'ai jamais su, moi, que c'était l'Atlas. On apprenait, parce que j'ai passé là mon enfance, on apprenait en géographie qu'il y avait l'Atlas et toutes sortes de choses. De même qu'une ville a toujours un plan. Mais c'est juste ces dernières années, peut-être même ces jours-ci, que j'ai pris connaissance d'un plan de Marrakech. Marrakech, je n'ai jamais eu, c'est la seule ville avec laquelle je n'ai jamais eu un rapport qui passe par le plan, la carte. Et c'est pour moi une espèce, un espace d'égarement, si vous voulez. C'est-à-dire que je ne m'oriente pas géographiquement. Je m'oriente par des proximités, des sillons de parole, comme des caravanes. Je sais qu'il y avait des passages, des lieux de passage. Mais je ne saurais vraiment pas vous dire si là où nous allons maintenant, c'est au sud ou au sud-est de là où nous sommes. Alors qu'à Paris, je peux vraiment vous dire, si on est à la Nation, où est-ce qu'on va ? Enfin, où ça se situe ? Alors la promenade qu'on va faire va être sans carte. Voilà, sans carte d'identité, sans identité de carte, sans sens peut-être. Quand j'étais là, donc moi je suis parti en 55. Ce quartier qu'on va traverser maintenant s'appelait. C'était un quartier qui était, à vrai dire, hors de la ville civilisée, si vous voulez, hors de la ville juive, hors de la ville musulmane, arabe. Mais il touche au quartier qui était habité par les Français. Parce que les trois entités, la ville était tirée à trois épingles, si vous voulez. Les Juifs, les Arabes, les Français. Et le quartier français a toujours été excentré. Et outre qu'il était quand même plus modeste que ce que vous voyez maintenant, il était habité presque uniquement par les Français. Cela dit, arriver jusqu'à ce quartier impliquait des passages de frontières. Et passer de la ville juive à la ville arabe, puis à la ville française, puis des retours. Et... À chaque fois des remparts d'ailleurs. Des remparts visibles ou invisibles. C'est-à-dire qu'il y a des remparts invisibles. Les visibles sont d'ailleurs d'une certaine beauté. Hein, les avez-vous ? Mais les vrais remparts invisibles, c'est quand on passe d'une zone d'identité à une autre, où donc on sort d'une région d'influence et où tout peut arriver. Même là, il pouvait y avoir des bagarres très violentes, mais tout à fait au bord de votre quartier occupé. Hein, donc vraiment les différences, les variations de langue et d'espace et de corps étaient, moi je m'en souviens, étaient très violentes. Et sans compter qu'il y avait des espaces désertiques, carrément, le désert dans la ville. Tout cet espace était presque vide. Le terrain vague ? Justement pas. Je crois que le terrain vague, c'est une notion occidentale. C'est-à-dire que c'est souvent les zones de déchets, d'encombrement d'une civilisation. Tandis qu'ici, c'est du pur vide. Parce que d'une certaine façon, les souks et la médina sont aussi encombrés par leurs propres déchets. Il n'y a pas besoin de terrain vague. D'une certaine façon, tous les terrains sont vagues. Et en même temps, très précis. Regardez là, les murailles. Ces trous dans les remparts sont des meurtrières ? Je ne pense pas. Vous pensez ? Non, je ne pense pas parce que ces remparts ne sont pas très sérieux, en fait. Eh bien, autrefois, ils étaient tout à fait sérieux. Ils sont en terre. Oui, Ils étaient très sérieux et c'est leur signification qui importe. Par exemple, dans les époques très agitées, on fermait la ville. Bon, c'est évident que ça ne résiste pas à un assaut, mais le fait que la ville soit fermée est procure une grande assurance. Et à l'intérieur de la ville, on fermait le ghetto, le Mella. Et ça introduisait une sécurité fabuleuse. Rien ne pouvait plus arriver. Alors là, maintenant, nous passons la muraille. Voilà. Voilà à l'intérieur de la ville. Ah, vous remarquez que soudainement, on est à l'intérieur et qu'il y a soudain une concentration de bruit, de mouvement, sans aucune raison de plus. Il n'y a pas de boutique et il n'y a presque pas de maison au bord de la route. Mais on dirait que, du fait que c'est la ville, ça fait du bruit. De hauts remparts enserrent toute la ville, percés de portes monumentales, dont seul l'automobile a fait sauter des chicanes récemment. Garde ça en tête. C'est plus prudent pour la suite. On peut lire les détails dans les guides. Lire les détails dans les guides, faire le tour en taxi par l'extérieur et s'arrêter devant, derrière, une porte, la franchir à pied, sonder sur quelques mètres l'espace affolant, nouveau, gagné déjà par le tournis de claustration virulente. L'effroi de l'au-delà dans ses constructions miniatures pour les jambes de fée, se transmuant en quiétude, au cours de cet arpentage à n'en plus finir, en bien-être inédit, charmeur, ensorcelé d'un rêve récurrent d'enfance. Ici, dans ce même endroit, m'est arrivée, étant enfant, une aventure qui touche à la question de l'identité. C'est que je revenais, comme nous le faisons, du quartier français, où j'allais à la bibliothèque très jeune, très enfant. Et je revenais donc vers le quartier presque juif, le quartier, parce que nous on habitait au bord du quartier juif, dans la Médina, dans le quartier arabe. J'étais abordé par une bande d'arabes qui m'ont dit « Eh bien, mais tu es juif toi, on va te casser la gueule. » Et certains ont même renchéri « On va te tuer. » Alors, soudain, avec toute ma culture judéo-religieuse, tout ça, je me suis rappelé qu'en fait, on pouvait dire qu'on n'était pas juif si la vie était en danger. Enfin, je ne pense pas que ma vie était en danger, mais à 9 ans, on s'imagine comme ça des choses. Et je leur ai dit, mais pas du tout, je ne suis pas juif. Alors ils m'ont dit, témoigne, en arabe, shahid, ça veut dire prouve-le. Alors que, heureusement, comme j'habitais à côté d'une mosquée, je connaissais par cœur toutes les prières arabes. Et donc j'ai dit en arabe la grande phrase du témoignage, c'est-à-dire qu'il n'y a de Dieu que Dieu et Mohamed le serviteur de Dieu. Alors ils m'ont sauté dessus en m'embrassant, en me disant mais oui, tu es vraiment un arabe, etc. Et je suis reparti en flageolant des guiboles, mais en constatant quand même que finalement ni juif, ni arabe, ni français n'étaient des espaces tellement identifiables et intéressants à identifier. Que je me trouvais en somme dans le creux, entre les trois, pas entre deux. Et là, c'était intéressant que c'était entre trois, et que l'intéressant là-dedans, c'était de passer des frontières invisibles. Parce que je ne me sentais pas plus, naturellement pas arabe, bien sûr, mais pas plus juif que français, pas plus français qu'indigène. Je pense que c'était des repérages qui fonctionnaient surtout par la négative. Cette ville est minée de tes récits d'Orient. Une médine en noir et blanc truc son plan. Qui fut cité refuge au verbe du message, cité d'exil aussi. Et d'autres villes s'y imposent, décalquées des hors-textes, assyriennes et persanes, indiennes, munificentes et bariolées, suspendues entre ciel et terre, images livresques, revisitant les lieux, tissant le style des parcours, en dévoyant le sens. Regarde bien. Déjoue les pièges. Brouille les voies en temps les murs. défrayant les carrefours. Une autre économie de langage règle ici les rapports entre héros d'Hervel, génie des villes chics et dieu lointain du palais. Ce n'est pas la même régie des voix, des textes et des jeux de scène. Ce que les belles narrations censurent ou travestissent se livre sous tes yeux, sans fin, à tes oreilles, en toute enceinte du marché. Contrôle ce quotidien balancement de ton écoute. Alors ici, ce petit arceau que vous voyez, juste cette ruelle, qui n'a l'air de rien. Cette petite ruelle, on vient de passer, qui est déjà dans la Médina, mais ici c'était un espace instable. C'est un espace vraiment judéo-arabe. C'est-à-dire, ce n'est pas le ghetto, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est... toute cette rue était habitée par les juifs, alors que ce n'est pas le ghetto. Et là-bas, c'était... Le quartier des putains, et il est purement ponctuel, c'est-à-dire c'est un point, et à la limite il est à la fois ouvert, c'est pas des maisons closes puisque c'est une rue, etc. Histoire maison close et tout ça, c'est des conneries, parce que quand on dit maison close, c'est parfaitement ouvert au tout venant, hein, y compris le corps, les corps qui produisent. Mais là, il y a quand même un petit rempart là quand même. Ah oui, mais vous voyez, il y a toute maison, là vous pouvez le constater, vous auriez l'impression que toute maison est entourée d'un rempart. Voilà ça, vous pourriez penser que c'est un rempart. En fait, c'est simplement un petit garage. Mais ce sont des murs ocre qui font que les maisons, et ça c'est un point essentiel dans l'architecture, les maisons sont rempardées d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, l'ouverture de la maison, c'est l'ombilic au centre de la maison. Si on a l'occasion d'entrer dans des maisons, il y a un trou au milieu, une cour qui communique avec le ciel. Donc, comme un patio. Si vous voulez. Mais avec toute une géométrie du voisinage, c'est-à-dire oui. Que si la maison est pauvre, il y a quatre côtés dans le rectangle, donc quatre familles, et selon les scènes de ménage qu'il y a, et l'intensité de la violence qui monte, le voisin peut venir intercéder ou bien laisse monter le bruit jusqu'à un certain seuil. Si vous voulez, c'est toute une proximité, un travail du voisinage. C'est pas la promiscuité pure et simple. Mais ça communique à l'intérieur. Ah oui. Essentiellement. Ah oui, absolument. اسمع عرج دينا حصر هنا وقف دينا لهذاك اسميتو دار البيع اللي فين طلعوا للسطح regardez par exemple là. Vous voyez ce nid de cigogne. Ah, c'est un nid de cigogne. Ah, on aperçoit une cigogne. Une cigogne. Eh bien, ma maison, une de mes maisons, qui était adossée au rempart. Et il n'était pas question de raconter que c'était la cigogne qui amenait les enfants. En revanche, les cigognes vivaient à la maison, on pourrait dire. C'est-à-dire, il suffisait de lever les yeux dans le mur de la maison pour apercevoir les cigognes, comme ici. L'oiseau dressé. Voilà. Regarde simplement. Ce que tu ne vois et pas. Dans la cour en patio, de l'autre côté de la maison, rose. Mais ils n'étaient pas dedans. Il n'y a pas dedans. Secret logé à ciel ouvert. Si vous voulez, on va monter. Oui, on va descendre. C'est extraordinaire. Le promeneur poursuivra son chemin, heureux de persévérer dans l'errance, escomptant un repère, avançant sans faiblir tel un habitant du quartier. Il se fie à l'oreille, au nez, au pied. Le pied, oui, mesurant l'espace imparti aux tergiversations, aux brèves hésitations, car il faut trancher vite, aux reprises enjouées. Analysant le sol et ses déformations, l'orientation, les changements de matière. Joignant par l'enchaînement des pas le débit du trajet et celui de l'idée qui germe, esquissant le modèle. Tant d'arpentage et de réflexion communs. Circuits jumeaux nourris de décalages et de retours correcteurs, où les représentations s'ébauchent sur la trame serrée que les enjambées dessinent. Si le retard se creuse, il n'est que de tourner en rond et le circuit second remonte à l'unisson. Il faut cette durée pour que l'idée progresse pied à pied de l'organisation de la cité. Enfantement double des options, bifurcations érudites, traces nouvelles dans les traces enfouies. Tout schéma retrouvé, recréé, affiné dans les retraits en marge. Élaboration ardue sous le soleil, la sueur perlant sur la poussière dans le battement accru des tempes. Il tourne et retourne, cherchant les axes, dépiste les cul-de-sac et les voies secondaires, ordonne l'ensemble à mots couverts malgré le flou persistant des images. Mais il croit voir plus clair un matin, comme il approche d'une petite place qui pourrait bien avoisiner le centre de turbulence de la cité, perçoit une rumeur, l'éclat d'une convergence aiguë. Et il soupçonne alors que toute l'affaire des circuits était ourdie dès le début dans le calcul des tours, des portes et des rues par ceux qui, l'entendant ainsi, ont composé la ville. Et il s'en persuadera au fil des quotidiens parcours, l'écrira dans sa tête et le dira tout uniment un soir, se lancera dans un long mouvement oratoire improvisé, tortueux, retravaillant les traits sinueux de son pèlerinage. Les gens qui pressent sont déjà morts. Jamais être pressé. Vraiment. Et sa phrase sera la ville et son sens, le plan. Sortir de la ville, tu es au centre. Au centre de la rue. On dit que les rues font dans cette ville comme les rayons d'une roue. Centre décalé. En désordre. Rien ne le signale au sens. Mais l'oreille pourrait capter la source du silence par instant. Qu'aucun mot ne nomme en temps. Oui, en temps. L'islam guette. يا ربي تعيش مع الوالدي في هاد لقفة الزنا الوالدين وليدات الرضا الوالدين سيدي ربي يرحمهم هادي الصداقه الوالدين في هذه اليوم الشمال الله يجبر هاد المكان سير الله يكرمو في الوالدين ruelles ramifiées courtes impasses les mailles se resserrent tant de parcours imprégnation d'une structure, par les allées et venues, redites, pensées à demi, fonctionnant comme épreuve ou géologique, calquées sur une géométrie plane, dont une minime élévation du point de vue livrerait d'emblée les fines. Resterait à tracer le trait juste vers la brèche, ouvrant le dédale au vent de sable. L'islam, le mode collectif d'être, non l'individuel, c'est encore une autre affaire. Tu le reçois comme une gifle en pleine lèvre, au premier balbutiement de ton nom de chrétien, et renvoyé dans tes foyers par ces baptêmes, tu t'ingénies à évaluer quotidiennement la hauteur du mur invisible qui l'érige entre tes sens et le déchiffrement de leurs données. Une réfraction minime enfausse la lecture et tu tombes à côté, le cul entre deux banquettes sur le carrelage fleuri du patio. Onde de choc. Faille ourdie dans le corps entier. Tremblement irrépressible affectant les systèmes. De l'idéologique au nerveux. En passant par le gustatif, l'olfactif, le tactile, l'optique, pour l'auditif, l'ineffable unisson sans charge, nef folle en clé de la. Oh, Mixage brut de la rue, improvisé, populaire, du comptoir, du marché, du guichet, de l'éventaire. Sens propre et figuré, comme piécette au bureau de change, glisse d'une poche à l'autre et de bouche à oreille. Combien ça? Combien? Oui. 600. 7000. Combien, monsieur? 1000. Combien ça coûte ça? Celui-là, 250. Celui-là, 400. Oh, ça, c'est le vrai, celle-là. Ça, c'est antique. Des choses anciennes. Voilà. Elle est vraie, monsieur. Je ne sais pas, 250. Celle-là et celle-là. La même chose. Ça et ça. C'est des belles choses, des belles qualités. C'est en berbère, celle-là, monsieur. Ça, c'est des papiers pour la lame. Ça ne bouge pas comme ça. C'est comme ça, voilà. C'est 250. Hein, c'est pas cher. Il accorde bien. Hein? Combien vaut? Je sais pas, je vais voir. Combien vaut? Je vais voir le tour avant. Vous, si vous êtes primé pour le matin. Je vais voir le tour. Combien vaut aujourd'hui? Combien? Hein? Échangeur encombré d'espace. Vous êtes primé pour le matin. Couvert de latte encore. Mais où subrepticement le milieu s'altère. La qualité de vibration, d'humidité, d'écho. De transparentes cloisons comme des pelures, coulissent, s'écartent. Et on débouche à ciel ouvert sur la vieille place en triangle, poussiéreuse, aérée, bordée de boutiques sombres, exiguës, surchargées d'objets. La première fois, on se demande comment on est arrivé là et comment en sortir. Puis, on vous dit que c'est le souk à la magie. هذا راه المسك المسك يديروه هنايا ويسموه هو فيه ريحه طيبه منين تيخرج قول له منين تيخرج شارم فلتر تيخرج هما تمام عطيه يدك بروش سم سم ميداي اموليت انو تاليسما هذا راه في الحانوت 45 جريكريت ماسكوت فيتيش سكارابي Mandragore, main de gloire, grimoire, brevet. Ça, c'est le mouche aphrodisiaque. Hada, le mouche aphrodisiaque. Un mouche crasé dans un verre de thé ou bien dans un verre de café ou dans un whisky pour un jour de mort. De l'amour. Quand on revient, voilà, le boire. Ça, c'est le col pour les yeux. Ah, c'est vrai. Et, mais pour vous, vous savez bien qu'il est vrai, il est très cher. Il est cher. Il ne se trouve pas beaucoup. Il est très bon. Il prend le miel de les fleurs. Voilà. Ça s'appelle en arabe de Penel Hindia. Tu comprends? Un braxas. Tu sommes bel arabie. Formula envoûtée. De Penel Hindia. Phylactère porte bonheur. Griffe de bestiole. Parfum. Baume. Crème. Onguent. Pommade. Topique. Poison ruraux. Remède. Trois dirhams. C'est le misc. Collature. Émulsion. Tout ce qui se marche s'inhale, se prise, se fume. Il menta qui doit fêter. Vous savez, chez eux, il y a la bigamie. La bigamie, c'est-à-dire le mari a le droit d'épouser 2-3 femmes. Alors, ils abandonnent la femme et les gosses. Et elle est réduite à zéro. La malheureuse est obligée soit d'aller faire la borne quelque part, soit d'aller mendier, je ne peux pas dire autre chose. D'ailleurs, tout le long, quand vous passez, vous les voyez assis dans un coin de mur, attendre la main. Ou alors une femme aveugle qui a un châle sur la tête et puis la main tendue. Puis elle ne donne pas grand-chose. Parce qu'il y a... Alors là, c'est un autre sujet. Ça, c'est en principe, c'est les syphilitiques. Il y en a beaucoup ici. Il y en a énormément. Amen. Silence second. Réductible. Écoute l'islam en tout nœud de contradictions dans cette ville et ses rues gauches, ses lopins à misère, ses palais, ses jardins, ses zones de contact avec l'étranger nouveau, baladeur, voyageur, ou placier, conseiller de culture, marchand d'avion, banquier lointain. Un descendant du messager y règne, et son règne s'accorde avec les enseignements du livre, selon les uns. Père du royaume du couchant, père du peuple, des croyants, son portrait en couleur pâle ou noir et blanc s'affiche en tout local public, toute boutique et lieu de sieste ou de passage. Et le portrait de son père, le plus souvent. Son père, qu'exila le plus grossier des généraux francs. Quand les Français avaient occupé le Maroc, ils disaient faire travailler l'arabe le plus que possible, payer très mal et un coup de pied le soir avant de le quitter. Ce que disait Lyoté. Son père, revenu en jet de la lune, disaient les gens. Ce qu'il disait d'autre auparavant se chuchotait entre les rues, entre les yeux, entre les dents. Car l'hôte de la lune n'était pas le père de la ville en ce temps. Celui qui s'en disait le père avait surgi d'un coupe-gorge sur une vallée de l'autre versant et pillé les tribus, pillé les pauvres gens, et joué le protecteur à son tour. Et son intrigue avait chassé le vrai sultan. C'était quelqu'un, il était plus puissant que le roi. C'est bien simple, c'est lui qui a délogé le roi. Les pauvres restent les pauvres. Et leur nombre grandit. Les riches s'enrichissent et leur pouvoir grandit. Et leur peur grandit. Les pauvres souvent peuplent leurs songes et les ruines. Voilà, Quelques degrés de terre battue par les champs creux d'une porte. Et d'autres alerteront, qu'on n'aurait jamais vu, insoupçonné. D'autres visions par les trous des murs, d'autres conflits du regard, d'autres canevas sur la trame d'ombre inépuisable. Sauf à décider d'arrêter là la lecture, toute affaire cessante, par la nuit sans lune, dans la rue passagère où se miment tant de gestes connus, invites brèves et innovations de répliques. Fabuleux comme les interdits sociaux fertilisent l'invention quotidienne. Échappée illicite, spontanée, née de la soif d'image, théâtre surveillé de la rue, évasion fulgurante par les créneaux étroits. Ce qui est important dans la ville, bon, ce sont quelques formes que je peux appeler des formes d'oubli, peut-être un peu qu'on contemple, qu'on regarde surtout. Alors, pour un enfant, une forme, c'est une forme quand même imposante et qui le dépasse. Et pour moi, la forme qui m'a dépassé, visiblement, c'est le rempart. Le rempart, dans Marrakech, il faut savoir que le rempart, c'est pas un rempart en pierre costaud. Hein. C'est en réalité un rempart de misère. C'est un rempart fait de terre dans ton sang, enfin de poussière, c'est un rempart qui est en train de se désagréger. C'est cet aspect à la fois misérable, éphémère, fragile du rempart qui m'a impressionné. le rempart, les terrasses des maisons. Quand on monte dans une maison qui est souvent basse, qui a rarement un étage, sur les terrasses, tout ça est horizontal. C'est une sorte de rempart couché, les terrasses. Je dirais aussi les terrasses des cafés. Et de la même façon, je dirais, enfin, on voit peut-être pas le rapport, mais pour moi, il me paraît simple, les jardins, et les jardins avec les deux versions, ombragés ou ensoleillés. Alors, ombre forte ou un éclat fort du soleil, une terrasse de café ensoleillée ou au contraire dans la pénombre, le rempart, voilà des images. Les gens là-dedans, enfin, je m'empresse de le dire, je le répète, ils ont une importance, mais ça n'est pas ça, la ville. Bon, ces remparts, bon, je dis que c'était là un peu le cœur, le sens de cette ville. Et curieusement, ce sens était « oublie-moi ». Oublie-moi, mais il s'est passé quelque chose, un événement, comment l'expliquer, enfin, on dit simplement en général, enfin, les auteurs classiques disent c'est une catastrophe. Il y en a eu une qui, et là je pense qu'elle concerne Marrakech, mais elle concerne, je dirais, toutes les villes du globe, et elle concerne toutes les populations du globe. C'est là où les gens me concernent, et je vais faire rentrer les gens dans mon scénario. Les gens, pour moi, se sont tout à coup désintéressés des remparts qui, d'ailleurs, eux-mêmes leur disaient qu'il fallait oublier. Et ils se sont intéressés à une nouvelle architecture, une architecture souterraine, qui est la salle de cinéma. La salle de cinéma, c'est une architecture de bunker, une architecture de ville assiégée. Autrement dit, c'est une deuxième ville, une ville en particulier privée de soleil. Et Marrakech a compris l'installation en sens saint du cinéma. D'une part, elle était habituée à se priver de soleil parce qu'elle en avait. C'est-à-dire que les gens à Marrakech ne vont pas au soleil. Donc aller au cinéma, pour eux, c'était un mouvement, je dirais, de fraîcheur naturelle. Hein. Enfin, c'est vraiment un mouvement tout à fait simple. Et bon, ils ont descendu l'escalier du cinéma. Le cinéma, d'ailleurs, les noms de cinéma sont des noms toujours édéniques. Hein. D'ailleurs, à Marrakech, comme dans tous les pays du monde, les noms du cinéma correspondent à ces palais des anciennes villes où tout était merveilleux. Hein, les noms de cinéma à Marrakech, c'est l'Éden, le Palace, par exemple. Le Luxe et l'Éden. Alors, aller sous terre, dans un refuge, voilà la destinée des habitants d'une ville qui est en train de se désagréger. Le cinéma représente vraiment une rupture avec la Marrakech des remparts. Je vais te dire. واد اعطيكم مبلغ 80 ريال 80 ريال طريفه سطول بعين ريال في بلاصه اوكي 100 ريال ديال هذا بدنا نشريو بقره بس انا يلا Et vous, comment vous avez trouvé la ville de Marrakech? Vous a plu? Ça. Hein? Vous êtes descendu à la plage de Jemaa el Fna, là, voir les charmeurs des serpents? Oui. L'orgue. Juge. L'orgue. Merci. Et les environs de Marrakech, c'est merveilleux. C'est là où on tourne des séquences, des fois, des films. Hein, des films, quoi. Des films pour la télé. Jette un œil sur l'affiche. Pousse la double porte. Lance ta pièce au guichet. Et trouve dans le noir, si tu peux, le siège de cuir crevé, comme ils n'en font plus chez eux. Écoute tes voix. L'écran s'anime. Le film indie est exotique et ne l'est pas. Tu t'identifies de tout cœur aux contes proches de ceux de ton enfance. Fables où tout est possible et couleurs à l'envi. Respire. Hume l'air d'alentour si tu ne fumes pas toi-même. Tu t'enivreras des effluves montant des rangs voisins. Laisse-toi gagner. Bats le plein de l'intrigue. Il y a l'oubli des remparts et il y a l'oubli du cinéma. Le monde de la ville des remparts, c'est le monde de l'espace. C'est le monde encore des recoins, c'est le monde de plus ou moins clos, c'est le monde où on peut encore flâner, où on vit un peu à pied, Mais le monde du cinéma, c'est l'affirmation que l'espace est complètement, non seulement éclaté, mais il n'existe plus. Le XXe siècle, c'est le passage de l'espace au temps. Et le cinéma, c'est la technique qui permet d'opérer plus facilement ce passage. Marrakech, curieusement, a essayé un petit peu d'amortir ce choc du temps et de l'espace. Et comment ? Bien, en proposant aux spectateurs qui sortaient de la salle de cinéma quelque chose qui ne les choque pas trop. Autrement dit, la ville est devenue une sorte de cinéma où les acteurs, les figurants, les spectateurs étaient démocratiquement mélangés. Et toute la vie de Marrakech s'est organisée, je pense, depuis des dizaines d'années, sur ce mode d'accommodation de la ville et du cinéma. Donc Marrakech Cinéma, c'est le fait que les habitants, là, ont participé, comme de bons acteurs professionnels, à ce film qui se tourne en permanence, 24 heures sur 24, dans les échoppes, dans les souks, dans les boutiques, et même sans doute dans la mentalité des gens. Je veux dire qu'à Marrakech, peut-être, les habitants sont à la fois de très bons cinéastes, de très bons spectateurs, ils remplissent toutes les fonctions, de très bons techniciens. Bon, Hollywood, c'est une ville où on fabrique des films, en Marrakech, peut-être d'autres villes aussi dans le globe, sont des villes où on a accepté le cinéma. Thank you. La ville écoute la note plus sourde de ton pas. Émission pirate. Seraient-ils tous aveugles qu'ils reconnaîtraient ton pas à sa hauteur, à son attaque? C'est un cas d'oreille absolue. Quelque chose en lui corrompt l'unisson continu des voix. La musique, point n'est besoin de l'aller chercher dans les cafés, les cinémas, à la radio, elle est là, audible. L'œil y suffit. Vision traduite en son. Pause et syncope. D'apparaître un instant sur le mur rose et de s'y fondre. Comme absorbé par le timbre dominant de la lumière. Tu es en amont, ici, de toute partition verbale, encore mieux graphique. Les trajectoires raréfiées en ce milieu du jour laissent trace un temps sous le soleil et s'effacent. Il est trop tôt pour les noter. Cette ventilation des bruits dans l'espace et des mobiles colorés fait bien mieux qu'énoncer, suggère la mélodie. Sans en fixer les termes. L'interprète rompu sera tourné autour. Le jeu sans règle d'approcher l'épaule, de les apprivoiser, c'est la danse non écrite, les points de couleur sur la ligne rêvée. Mouvement, arrêt, rebond à faux, voici votre lisse. Bifurcation et croix de ruelle, remous infime de poussière au coin des rues. Le traité des intervalles, tu peux le composer ici. C'est la fameuse affaire que tu soulèves là, au pied du mur, le poteau rose. Tu auras arpenté tout ton sou pour le dénicher entre deux cris, ou deux soupirs, ou deux ornières. Tu en perdrais le nord, en ce dédale même dont tu perçois les jeux d'écho, mais non le là. Le là d'Islam. L'oreille énorme qui te voit. Ces façades qui vous paraissent aveugles, là, ce sont des murailles à l'intérieur des murailles, puisque ça, c'est le ghetto qui est derrière. Et donc, vous avez des toutes petites fenêtres, et vous remarquez la pureté de cet espace ici, c'est-à-dire son dépouillement, sa nudité, hein, sa violence de ce fait-là. parce que ici, c'est vraiment une frontière réelle entre différentes communautés. Et donc, c'est un lieu très, très instable et cette nudité des murailles, cette pureté de l'architecture en est un effet, si vous voulez. Zid. Vous savez, une muraille, ça c'est une muraille. Elle n'a pas 2 mètres de haut, mais une muraille, c'est un mur complètement nu qui sur le glisse et qui est une pure séparation. Hein. Et vous verrez plein de murailles à l'intérieur de la ville. Oui, ici. Ça aussi, c'est un quartier frontalier, si vous voulez, entre différentes communautés. Et là, j'ai. Entre différentes communautés, avec les portes qui sont des portes de la ville, mais de la petite ville dans la ville. Vous voyez, vous allez voir, ici, elles ont été détruites. Regardez ces ruines. Une des plus fortes poésies de cette ville, c'est la ruine. Mais c'est la ruine humaine, hein, la ruine, la décomposition de l'être parlant. Hein, c'est pas seulement les monuments préhistoriques, hein, il n'y en a pas d'ailleurs. Vous voyez par exemple cette toute petite porte, minuscule, là, on dirait un trou. Eh bien c'est une des portes de la ville. Vous voyez ? Donc il y a des petites portes et des grandes portes, mais qui marquent des espaces complètement différents. Vous voyez, on passe en fait de porte en porte. Hein, ce qui fait... Voilà, ça c'est vraiment une rue, alors qu'on dirait un espace intime. Et c'est d'une certaine façon la ville elle-même qui pourrait être entendue comme une maison, comme un intérieur. Mais une langue qui vous envelopperait dans ces intérieurs. Et vous passez en fait d'un rapport de voisinage à l'autre, comme les scènes de ménage dont je vous ai parlé. C'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il faut qu'au bout de la rue c'est fini, qu'on ne pourra pas aller plus loin. Voilà. Et puis, il y a un endroit où on peut s'échapper. Voilà. Et si vous regardez maintenant le plan de la ville, donc la transcription officielle, si vous voulez, même occidentale de la ville, vous serez frappé par... Si vous comparez au plan d'une ville en Europe, par la grande quantité d'impasses. Uniquement des rues, mais qui n'aboutissent qu'au fond de la rue. D'ailleurs, le fond de la rue, adverbe, c'est une expression très courante dans la langue. Ça veut dire le fond de la rue. Alors que normalement, les rues sont sans fond, puisqu'elles communiquent les unes avec les autres. Mais là, c'est des fonds de culotte, si vous voulez. C'est un très grand nombre de rues sont des cul-de-sac. Où se termine dans l'habitation alors de quelqu'un. Oui. Ah oui, finalement, on ne peut pas aller plus loin, quoi. C'est-à-dire c'est la fin. Et il y a des petites fins de monde, comme ça. Mais qui se terminent dans du privé, c'est ce que je voulais dire. Non, pas forcément. Ça se termine sur rien. Je vais vous le montrer. Vous voyez cette muraille, là? Oui. Eh bien, elle sépare alors carrément le monde des vivants et le monde des morts. Parce que de l'autre côté, c'est le cimetière. Le cimetière qui est annoncé. Vous le voyez, il est annoncé là. Le cimetière juif. Oui, c'est le cimetière. Le cimetière du Mella, c'est-à-dire le cimetière du quartier juif, autrement dit, le cimetière juif. Il est annoncé par cette phrase, maison de rendez-vous pour les vivants. Ce qui est une annonce quand même assez cocasse pour un cimetière. Mais c'est vraiment aussi le lieu de rendez-vous. On ne peut pas dire qu'il y ait des vivants qui ne se donnent pas rendez-vous ici. Donc c'est en même temps lieu de cérémonie. Oui, Moed, c'est un mot arabe et hébreu qui veut dire rendez-vous, convocation. C'est un lieu où tous les vivants sont convoqués. Ouais. On descend ? Ça serait pas étonnant que les morts ne répondent pas là, parce que normalement il y avait toujours quelqu'un quand le ghetto était habité par ses habitants naturels, par les juifs, tandis que là il n'y a presque plus personne. Donc il n'est pas exclu qu'on ne vienne pas aux heures habituelles que je ne connais pas, tandis qu'avant à toute heure on pouvait venir dans ce lieu puisqu'on pouvait mourir n'importe quand. Oui, mais il faut vous dire aussi que les enterrements, qu'ils soient d'ailleurs juifs ou arabes, étaient des cérémonies absolument pas morbides. C'est-à-dire que c'était une espèce de chanson qui traversait la ville, au pas en marchant, puisque c'était pas dans des voitures, et puis avec des psaumes, des poèmes, selon que ce soit juif ou arabe, des invocations. Et quand ça arrivait ici, c'était finalement une espèce comme le fond d'une rue, quoi. Hein, un peu, enfin, qui dure un peu plus longtemps que d'autres, mais on change de rue. C'est un cul-de-sac comme un autre, et puis il y avait un discours généralement émaillé de... Généralement un commentaire biblique pour continuer l'activité langagière ordinaire, mais enfin où le mort trouvait sa place. Dire où on parlait de lui, on l'intégrait à un langage. Et puis après, il était évoqué dans des fêtes, mais toujours des fêtes très, très, très, très opulentes au point de vue nourriture, fêtes, quoi, des fêtes. La défaite des morts. Comme c'est samedi aujourd'hui, c'est sans doute pas ouvert. C'est ce que le jeune homme m'a dit. Ah oui, voilà. Bon, alors, voyons. Ils nous ont souhaité, ils ont dit shalom. Ah bon, alors voilà. Vous voyez, comme on est déraciné. Quand on s'est arrêté devant la porte, on était passé plusieurs fois dans cette rue de feu déserte, en limite du vieux Mela. Quand on s'est arrêté, l'angoisse. L'angoisse dans la lumière vive et la chaleur, comme dans le noir en d'autres temps. À l'instant du franchissement du seuil, il y aurait ces deux hommes assis sur un banc sous une sorte de véranda d'abri vétuste, et ces cyprès alentour, ou alignés près d'une allée parallèle aux tombes. L'un d'eux se lèverait. C'est là qu'interviendrait le soupçon d'hésitation, sans doute. Le mouvement retenu paraîtrait d'emprunt, et le sourire. L'autre, dont on remarquerait surtout l'abondante barbe blanche, semblerait ne pas voir. On aurait demandé si on pouvait entrer, se promener. Ils seraient acquiescés ensemble. Et au même moment seraient arrivés les enfants. Ils auraient accouru, auraient entraîné les visiteurs, l'aubaine. On aurait compris qu'il ne venait pas grand monde ici. Ils seraient quatre ou cinq. Le plus bavard aurait dit « Moi, je suis arabe. Mon frère, il est arabe. Lui, il est juif, et lui aussi. » On se serait avancé. Après quelques pas, on aurait été entouré de tombes. Ce qui suivrait tiendrait du déchiffrement. Il nous précéderait et lirait les inscriptions en français sur les pierres. Syllabe à syllabe, annonée. Litanie de malheur et métaphore de ruine, vallée de larmes. Misère plaintive des romantiques scandées Alexandrine à mille lieues de là. Transplantée, greffée sur la misère matérielle. Vocatif éploré et pelé, gravé en lettres d'or. Mausolée modeste, la tombe serait badigeonnée vers clair. Grand capitaine juif, dirait le plus bavard, le petit musulman qui fume. Une sépulture plus riche, celui-ci serait célèbre, homme d'affaires du vieux pacha des Francs. Il porterait le nom de la terre où tous ses coreligionnaires auraient émigré. Ou presque. Il n'en reste qu'un sur 100. Ce n'est pas si lointain. 20 ans à peine. Comme c'est samedi aujourd'hui, c'est sans doute pas ouvert. C'est ce que le jeune homme m'a dit. Ah oui, voilà. Bon, alors, voyons. Ils nous ont souhaité, ils nous ont dit shalom. Et tout. Ah bon, alors, ce groupe de jeunes. Vous voyez, comme on est déracinés. Voilà. Marbour, Assoud. Je crois que vous étiez déjà ici au quartier, je sais pas, non? Mais moi j'habitais plutôt là-bas. Je n'habitais pas ici. Ah bon? Un peu plus loin. Mais il y a très longtemps. Très longtemps, Qu'est-ce qu'il y a? Pas de visite? C'est la visite de la place du Blarbia. Musulman. Yudi. Ah, Yudi. C'est la place du lutte. كتعرف سكنت فيها واش باقي بغيتي نوريها لهم ايوا قولها لهم انت قلتها لهم ايوا ملي قلتيها لهم سير فيها على يدخل ليها ما كاينش اللي عنده الساروت هنا ديالاش دق فرع الباب ها صافي فو فرابي لا بورت كوم il faut نو كوم il faut ça fait rien ensemble ça fait rien allez va allez salam alaykoum va ton Attendez, fils de pute. Ah, on me laisse conscient. Il dit attendez, fils de putain, attendez. On attend de le conseiller. Alors là, on entre dans l'ancien quartier juif qui est le Mella proprement dit et où effectivement c'était une ville dans la ville. Alors maintenant ça respire un air de destruction et de misère qui n'était absolument pas le cas à l'époque. Bien sûr, ce n'était pas somptueux, mais c'était une civilisation, une culture. Ce sont des ruines là. Voilà, ça, ce sont des ruines. C'est-à-dire que les maisons qui n'ont pas pu être reprises, récupérées par les Arabes, sont restées en ruine. Et c'est peut-être une des choses les plus étonnantes dans cette culture, c'est qu'à l'intérieur d'une misère, de ce que des Occidentaux appelleraient une misère matérielle, c'était en fait une opulence de civilisation. Oui, oui, je vais vous montrer. Vous voyez ces boutiques-là, qui sont... Il faut faire un saut, hein. Vous voyez ? Ça a été muré ? Non, elles étaient comme ça, mais... On n'entrait pas, ça veut dire on n'entre pas. C'est très intéressant parce que chaque fois qu'on est appelé, c'est sous le signe d'une insulte. C'est-à-dire que... On fait irruption dans un espace étranger. Non, la fonction de l'insulte et du nom propre sont un peu interchangeables. C'est-à-dire, espèce de con, ça servirait à appeler le quelqu'un en question, alors que... Là, il vient de dire « espèce de juif ». Ce n'est pas si lointain. 20 ans à peine. Et une mémoire seconde prend le relais. 20 ans après. 20 ans après. Toutes ces boutiques, sur les rues larges, hors du vieux quartier, ces belles automobiles, et les communautés au pied de la montagne, sanctuaires dans les vallées, village en altitude. Par toute la montagne ici. Tu les as vus labourant la terre, turbans blancs et calottes noires côte à côte sur les parcelles exiguës entre chênes verts et tuyas, neige et ravines, sur les terrasses, entre les feux d'Édouard et les fumées. De souvenirs d'hommes, ils étaient là, eux aussi. Aussi loin dans le temps que leurs frères en labour, et se côtoyaient sans peine et ils vivaient en paix. Tu as gardé cette image de la halte sous l'olivier, mulets et ânes broutant les chardons alentour, tous accroupis buvant le thé dans l'ombre, tuniques blanches, tuniques noires, nourris de même économie de sol et de parole, de même légende, même mémoire. Et les hommes en noir ont déserté leur village l'année d'après, alertés par les recruteurs fiévreux du mythe unitaire, enrôlés en panique et dépêchés à l'autre bout de la mer antique, citoyens mineurs, acteurs pantois d'un récit nouveau venu d'Europe. En peu de mois sont évacués les postes millénaires. Sur chaque bord on se dresse. La rage fut maligne à creuser le fossé. Fossé première. Les Marocains, pareil. Les Juifs, comme les Marocains. Est-ce que vous trouverez qu'il y a une différence entre les Juifs et les Marocains? Vous n'avez pas d'amis arabes? Si, tous sont amis, mais pas amis, mais on a une idée, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait devant eux, vous voyez. Il y a des relations d'affaires. Mais il n'y en a pas un qui a confiance à Lara, vous voyez. On est là parce qu'on est avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent vous faire du mal comme rien du tout, on n'a jamais compris. Il y a un arabe qui vous dit, tiens, celui-là, c'est un vrai à moi, et si vous faites comme ça, il peut vous faire du mal tout de suite. Alors on fait attention et on est bien estimé par eux, mais eux, ils ne savent pas ce qu'on a dans la tête. Très très bien, moi je sais que je suis très bien avec eux. Quand il m'arrive de taper un de leurs gosses, la maman vient me dire, si la faute est ajoutée. On est bien, il n'y a pas de problème, on est bien. Quand il vient en arabe pour rester à la maison pour faire une affaire, tout ce qu'on dit à 8h du matin, le soir il dit, et alors ce qu'on va faire maintenant? Par exemple, il vient un Européen, je veux un appartement, un salon de pièces de bain, cuisine, combien? 100 000. Il peut la laisser à 90 000, mais bien sûr, monsieur, je suis sûr. Quand je lui fais un stylo, comment il est la forme, sans l'avoir, il paye. Tant est-ce qu'il vient un arabe? Est-ce que vous avez un appartement? Combien? 100 000. Je ne peux pas la laisser à 60 000. Ah, il y a 200 000 à 60 000 à l'espace. Est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce qu'il est capable de payer 100 000? Il ne peut pas la laisser à 80. Non, je peux enlever 10 000, 90. Et on va aller la voir. Fais en marche à la voiture, ou prends la clé, ouvert, et voit. Ah, c'est joli. On vient ici. Quand vous êtes là, pourquoi faire? Je vais aller chercher ma mère. Eh bien, demain, moi, je ne suis pas pressé pour travailler. Donc, je tombe de lit, je viens au travail. Si je ne tombe pas, je reste dehors. À quelle heure tu vas venir? S'il me dit à 10h, je sais qu'à midi, il va venir. Il vient avec sa mère, amen. Ah oui, c'est joli. Oushan, combien? Ah, 5000 francs. Oushan, il y a 5000 francs. Est-ce que ça veut dire 5000? C'est que là, Alferiel, ça veut dire 90. Mais voilà, une heure déjà, qu'il est en train de parler avec sa mère, et moi je suis là. Et quand il vient, dis-lui qu'il te fait un prix. Et va chercher ta femme, la voix là. Quand est-ce qu'il va venir, votre femme? À 3h, ça y est, à 6h, il va venir celui-là. À 6h, il sort du travail, il vient avec sa mère, son père, son grand-père, sa femme. Et à savoir s'il la prend ou il la prend pas. Demandez à votre maman, elle vous dira un petit peu ce qu'on faisait à la petite porte, comment on s'amusait. Oui. Et à les attaquer, les malheureux. À attaquer les petits, les leurs. Vous, les filles. Oui, nous, des filles, oui, exactement. Nous, des filles, on les attaquait. Moi, je me rappelle très bien qu'on faisait comme ça, et puis hop, sur le crâne. Ça, c'était notre. le plus grand jeu depuis qu'on était petits. Quand un arabe tout nu se trouve en face d'un juif. Eh bien, et c'est sans vous. J'ai honte de dire devant madame, mais ce qu'il y a. Avec la fumée de sa chaleur, un, il ne voit pas l'autre, ce soir. Je le vois tout de suite parce qu'il est noir. Alors je le vois, c'est un coco qui est avec moi, mais moi je suis dans le coin et lui de l'autre. Hein. Je n'ai pas longtemps à rester avec lui. Mais qui fréquente ces bains? Eh bien, tout le monde. Le capitaliste marocain, c'est les juifs. C'est le plus juif marocain, c'est les juifs. Vous avez des amis juifs? Moi, non. J'aime pas du tout. Le plus capitaliste, c'est les juifs. Ah non, c'est vrai que on est là sous le signe protecteur d'un phallus occidental. Hein. Oui. C'est-à-dire que le micro est un sexe. Absolument. Là, on est sous la protection de ce bâton. Oui. C'est... Est-ce que c'est pas ressenti comme un sexe qui viole cet espace, enfin, au contraire, qui le flatte, parce que l'espace est tout à fait honoré d'être entendu, vu, etc. Ce n'est pas du tout une civilisation comme ça qui rejetterait l'étranger. D'ailleurs, vous avez vu, les signes de rejet étaient tout à fait spécifiés. Ils n'étaient pas vous les étrangers. Hein? Or ici, par exemple, dans cette rue, regardez là, vous voyez d'abord qu'elle est très étroite, mais en même temps très lumineuse. Hein, vous voyez? Parce qu'il y a du soleil, et c'est un vrai boyau. Et ici, vous voyez tout à fait au fond, ce petit orifice là-bas, mais c'est la sortie. Vous voyez? Les gens qui passent de l'autre côté. C'est la sortie de la ville. Et ici, il y avait un très grand nombre de synagogues, de lieux d'études, pas forcément de prières. Ce qui s'appelait synagogue, c'était pas forcément un lieu de prière, c'était un lieu d'études. Voilà. Et tout l'ensemble du quartier, c'est une espèce de souk, c'est-à-dire un marché, de boutique, mais un lieu en même temps de rencontre. C'est-à-dire que c'est impossible de ne pas se rencontrer dans cet espace-là. Donc tout le monde rencontrait tout le monde. C'est un espace dont vous sentez l'intimité, hein. C'est pas... Vous sentez, en fait, essayez de penser par exemple à la différence entre ce qu'on fait là et la traversée d'un village en France. Vous la sentez, cette différence. D'abord, il n'est même pas question, c'est pas la question de la curiosité de l'étranger, etc. C'est tout de suite chargé de signification. C'est un espace où on peut se rencontrer, mais aussi s'éviter. Attention! Voilà, vous n'avez pas réussi à l'éviter. Je ne sais pas si on peut faire passer uniquement par le son la sensation de l'écrasante misère de cet espace, l'abandon, la déréliction, c'est pas le mot parce que c'est trop ontologique, chrétien, etc. Mais est-ce que vous sentez là que c'est quelque chose d'extraordinaire? Alors on va d'abord faire un petit contour ici. Ici, c'était la place même du souk. C'était le souk proprement dit. Par exemple, est-ce que vous diriez que ce monsieur-là, avec regardez-le, ce qu'il est en train de faire là, et qui va découvrir son visage, est-ce que vous parleriez de tentative de bonheur? Non, c'est une tentative de vie, surtout. Voilà, de survie même. De survie. Voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, moi ce qui m'a complètement traumatisé la première fois que je suis revenu de France, c'était qu'en évaluant le montant que coûtait la marchandise de toute une boutique, ça ne faisait pas le prix d'une demi-journée de travail en France. Et on se dit qu'il y a toute une famille qui subsiste là-dessus. Et c'est là que ça change complètement les normes. Vous voyez ? Donc en fait, le problème n'est pas de la misère matérielle, je crois que seulement de la misère matérielle, mais d'une espèce de, en effet, de rapport d'abandon. Bon, les Occidentaux ont appelé ça le fatalisme, vous savez, oriental, mais je crois que ça ne veut rien dire du tout. Vous le sentez. On marche ? On marche. Mais là, première. Mais là, c'est un quartier qui était juste juif, vous voyez. Alors avant, ils croient que je ne sais pas ce qui passe, on est là. Et avant, il y avait une idée, c'est les Arabes, on dit « Ah, l'homme est là, l'homme est là, l'homme est là ». Et ils ne peuvent pas rentrer ni rien du tout parce qu'il y avait tout juif. Mais maintenant, ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé des vieilles maisons où y habitaient les juifs et leur magasin qui est perdu et les autres. Il n'y avait rien dans le là, c'était un groupe qui vivait ensemble. Et tout ce qu'il y a, il n'y avait pas un secret de quelque chose. Non, il y avait des petits pour les pauvres types qui y habitaient. C'est pas comme maintenant. Maintenant, les juifs sont tombés là parce qu'il est dans la maison. Devant 1000 d'arabes, c'est le seul juif qui passe. Vous êtes en synagogue, vous avez des petits gamins qui commencent à vous taper avec les pierres et tout ça, on ne peut pas discuter, on ne peut rien faire. Vous voyez bien que ça n'a pas changé. Non, aucune. Et là, derrière, ça s'appelle la rue Talmud Torah, puisqu'il y avait une école où il y avait des élèves qui faisaient du Talmud, de l'hébreu. Alors ça s'appelle la rue Talmud Torah. Non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Sauf, au lieu de dire Mella, ils ne disent plus Mella, ils disent Hay Salam, c'est-à-dire porte de la paix. Voilà exactement la traduction de l'arabe. Mais ça s'appelle toujours. D'ailleurs, quand les guides vous emmènent, ils vous disent c'est le Mella, quartier juif, tout de suite. Et puis, c'était. Vous voyez la petite porte d'entrée quand vous êtes entré maintenant? C'était avec porte, et ça se fermait le soir. Après 6 heures, la porte était fermée. Et le musulman n'avait pas le droit de rentrer après 6 heures du soir. Les hommes, si, ceux qui pouvaient rentrer pour acheter quelque chose. Quant aux femmes, pas du tout. Sauf quelques femmes qui travaillaient dans les maisons, chez certaines familles qui avaient des cartes spécial pour pouvoir les faire entrer et sortir. Comme chez moi, par exemple, nous, on en avait une. Elle avait sa carte, elle était autorisée à rentrer et sortir, officiellement. Mais auparavant, les musulmans n'avaient pas le droit de rentrer au Mella après 6 heures du soir. Le Mella n'a pas été une sorte de ghetto, comme on dit en termes européens. C'est-à-dire, on n'a pas créé le Mella pour parquer les juifs, mais au contraire. D'après ce que j'ai appris, et j'ai toujours appris, parce que j'ai habité moi-même de Mella au début, il a été créé pour défendre la communauté juive des agressions éventuelles, non pas de nos voisins les musulmans, mais de certains tribus berbères qui à l'époque descendaient et se livraient à ce qu'on appelle des razzias. Et à tel point que le Mella est un quartier qui est entouré de murailles, de hautes murailles, comme un château fort. Alors, moi, j'ai voulu comprendre que ce qu'on appelait le Mella, c'était un lieu de protection, un lieu où les Juifs pouvaient se livrer à leurs coutumes, où, puisque nous sommes à Purim aujourd'hui, où les petits-enfants pouvaient tirer des coups de pétard à leur guise, nuit et jour, sans gêner personne. Et où les portes étaient fermées, à partir d'une certaine heure de la nuit, de grands portails, que vous pouvez voir encore aujourd'hui. Et il y avait un certain nombre de portes, de grandes portes qui entouraient donc le Mella, et qui étaient fermées à partir d'une certaine heure et qui n'étaient ouvertes que le lendemain pour éviter que des cambrioleurs éventuels ou des agresseurs viennent profiter de ce qu'ils pouvaient croire être la faiblesse des petits juifs. C'est une communauté donc, refermée sur elle-même, déjà. Ce n'est pas être enfermé. Être enfermé sur leur conception, n'est-ce pas, religieuse, mais ça n'empêche pas qu'on est ouvert, qu'ils s'étaient ouverts un peu sur l'extérieur, puisque leur commerce, ils ne pouvaient pas le faire en chambre fermée, bien sûr. Le commerce se faisait avec donc des non-juifs, en particulier les chleux qui venaient des bleds, qui leur achetaient les tissus. Par exemple, les hommes, ce qu'on appelle les hommes bleus. Ce n'était pas du tout un cercle fermé, puisqu'il ne serait-ce que par le fait de commercer avec l'extérieur, il pouvait avoir affaire à toutes sortes de gens, en dehors de leur communauté. Et mon père me racontait une anecdote en disant qu'un jour, il y avait une tribu réputée pour une tribu méchante, qui raflait tout. Et ils étaient arrivés jusqu'au Mella et mon père mangeait au magasin. On lui a amené, pour ne pas fermer à midi, on lui a amené son déjeuner. Quand un de ses hommes était là, mon père l'a invité à partager le repas. L'individu n'a fait qu'une bouchée de toute l'assiette, mais au moins il l'a laissé tranquille, il n'a pas réclamé d'autres choses. Alors, voyons l'hospitalité de mon père, qui fait que l'hospitalité était bien payée de ce côté. Mademoiselle était étonnée de trouver des gâteaux chez vous. Non, il y a toujours. C'est comme ça que les Arabes versent le thé. Il faut qu'il y ait de la mousse. Aux amandes. Allez-y, allez-y, c'est bon. Ça, c'est le gâteau marrakechi. Ça, c'est un gâteau spécial, fait à Marrakech. Vous ne le mangerez nulle part, ailleurs qu'à Marrakech. Ça s'appelle, oui. Alors, ailleurs, ils ne savent pas faire ça. Ces pointes, ils ne savent pas les faire dans les autres villes. Ça, c'est un gâteau israélite, marrakechi. Alors là, c'est fait à la main. Fait à la main, tout, pardon. Ça a un goût. Oui, à ça, c'est, oui, les goûts, il y en a. C'est bon, très bon. Dites-moi, il n'y a plus de sauterelles ici, on mange plus. Non, ça n'existe plus. Sauterelles. C'est un délice. Fait surtout avec de l'huile d'argan. Frit à l'huile d'argan, demandez à votre maman, elle vous dira un peu ce que c'est. À l'époque. Si, moi, j'en ai mangé. Ah bon, hein, ben, surtout quand c'était le moment de la pente, quand c'était plein d'œufs à la. Oui, c'était une. Mais les Français avaient peur, ils tremblaient. Ici à côté, on avait la baïa, c'était un curé qui habitait. Quand il y avait la période de sauterelles, on était gamins. Alors, ils sont venus nous ramasser dans la rue, tous les gosses. On a été, on nous donnait des sacs et puis nous, on les remplissait de sauterelles. Nous, on les apportait à la maison parce qu'on les mangeait après. Ils les faisaient frire, ils les faisaient cuire ici. Mais on les débarrassait, alors ils nous donnaient tout le temps des ballons, ça, je me rappellerai toujours. Ça volait, ça venait par nuées. Il fallait voir combien. C'était des nuées, on ne voyait plus le ciel. Tellement il y en avait. Et quand ils passaient la nuit dans un champ, il n'y avait plus rien le lendemain. Tout était mangé, tout jusqu'aux branches. Mais non, c'est un délice. C'est pas écœurant, pas du tout. Non, pas du tout. C'est bon d'abord à voir. Et puis vous savez quand vous les avez mangés. Et on a une huile spéciale avec quoi on les faisait frire, l'huile d'argan. Alors là, c'était un délice. Tout le manger que se faisait à la maison, c'était pas bon quand il y avait les sauterelles. Il fallait d'abord manger les sauterelles. Alors ça, on en mangeait, hein, ça, je vous assure. Et j'en mangerais encore volontiers s'il y en avait. Me donne vraiment l'impression très forte de me promener dans un espace mort, mais sans aucune morbidité. Absolument. Vous voyez, c'est un espace complètement abandonné, mais il n'y a pas de morbidité. C'est pas, on ne peut pas dire que ce soit morbide. Hein. Mais non, parce qu'il y a des vivants, et des vivants bien vivants. Absolument. Et même l'espace lui-même, son abandon n'a rien de. C'est pas une décomposition, c'est une coupure brutale. Ici, c'est une synagogue, ça l'était. D'ailleurs, c'était une grande synagogue. Mais maintenant, il y a encore quelques personnes qui viennent, mais c'est un peu à la. Alors vous voyez l'architecture dont je vous ai parlé. Autrefois, chacune de ces pièces abritait une classe d'études. Non, ici c'était pas un lieu d'habitation, c'était un lieu d'études. Et qui habite maintenant ? Maintenant, c'est des pauvres. Les pauvres juifs ou arabes ? Les pauvres juifs. Il y en a avant, il y a 25 synagogues ici. Maintenant, il y en a 5, parce qu'avant, il y a beaucoup d'Israéliens qui habitaient. Parce que moi, j'habite là, beaucoup. Longtemps, plus que 15 ans que j'habite là. Je connais beaucoup d'Israéliens. Israélites. Israélites. Il lit des psaumes. Il dit que quel que soit le monde, c'est le monde. Et que quelles que soient les oppositions, on est fils d'un même monde. On descend tous d'Adam. Ah non, il précise, c'est Dieu qui a donné naissance à tous. Bon, je vais vous laisser. Je vous laisse faire sa prière. Bon, salam alaykum. Salam alaykum. Shalom, shalom. Tout à coup, une rue hors souk. On n'a pas vu la porte. C'est une autre économie des pas, des paroles, des bruits off, de l'intervention du ciel. Des palmes en touffes riches dépassent un haut mur blanc aveugle. Signal gracile émis du cœur du lieu saint. La cour de la belle mosquée. Que le chrétien peut toujours imaginer en lisant le guide, il n'a aucune chance d'y entrer. C'est le dernier réduit. Chrétien, n'y traîne pas tes bottes. Entrevois les colonnades chaque vendredi, l'enfilade des nattes, les fidèles accroupis et passent vite. Tu aurais des ennuis. Mais enfin, c'est ça la ville pour toi. C'est ce refus tous les 100 pas. Ce déni de regard. Tu le sens passer, le dédain, et le salut comme il convient. L'islam écoute, t'écoute maugré, s'efface pour te laisser passer. Contourner la mosquée en ce centre que tu sens turbulent de la ville. La turbulence est là. Elle agit sans toi. Elle glisse autour de toi. Tu ne vois pas, mais en tant toi aussi, curieux, respectueux, louange à Dieu le clément, le miséricordieux. Je crois que je regarde le temps, c'est-à-dire je regarde l'époque, toute une course de l'histoire dont les murs sont des particules, des prépositions, enfin sont une grammaire un peu figée, qu'à la limite, je ne vois pas ce qui distingue les ruines de ce qu'on vient de voir, des ruines de certains quartiers d'Istanbul. Or, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que là, c'est toute une circulation de l'histoire qui passe et qui est, je crois, essentielle pour l'Occident, ce qui s'est passé là. Ça a l'air de rien, hein. C'est un petit coin aussi misérable que ça passe par des ombiliques de l'histoire de l'Occident. Il n'y a rien moins que la décolonisation, des déplacements de culture, des déplacements de langue, des choses... Vous voyez revenir les symptômes à Paris, que ce soit chez les travailleurs arabes ou chez les juifs qui sont allés s'installer en France. Cette recherche d'identité, c'est peut-être la recherche d'un mur fictif qui ne serait pas en décomposition, dont ça, c'est la décomposition. Est-ce que vous regardez cet espace comme un espace maintenant figé ? Je crois que c'est... On peut quand même dire que c'est un espace qui est arrivé à un certain terme. C'est-à-dire, je ne le vois pas, cet espace... je le vois à un certain point mort, si vous voulez. Hein ? Maintenant, d'autres, la ville, par exemple, de Marrakech, c'est complètement exfoliée, retournée. C'est-à-dire qu'elle se développe maintenant par l'extérieur et sur un mode... d'une platitude conventionnelle, occidentale, tout ce qu'il y a de plus dérisoire. Donc le vrai Marrakech, enfin le Marrakech historique, c'est-à-dire non pas un monument historique, mais traversé par l'histoire, c'est celui-ci. Maintenant, c'est ça? يشربوا الخمر قال لي وما تقول لي احد ياني روح بعدو قال لي خير الله بادي غير الله الحمر حرام في الاسلام اللحم الخنزير حرام في الدين الاسلام وقال سين كتخمروا وقعنا نتوما في هذا العالم هذو واحد ديال الرحمن بعضو ما دير ولو كنا نمشيو من هذا بلاش نقولوا هكا الا برمي الدار بعد ربعة ولا بعد الله الله الله جنيف خارج ولا يتاري الله الله ولا بالله بعد ربعة ولا بعد عاونينا في كويتنا شا وليدات عمل فينا Mom. Je crois que dans la ville rempart, Marrakech était, je dirais, teintée, nuancée, colorée. Marrakech la Rouge. Oui, Marrakech la Rouge. Bon, enfin, je pense que la Marrakech la Rouge, avec le contact du cinéma, s'est teinte avec le contact du noir et blanc, avec le contact du cinéma au sens fort, c'est-à-dire le cinéma muet. Je crois qu'elle a pris ce côté très poli, très nuancé, très vaporeux qu'a le cinéma muet. Et c'est ce qui était agréable dans cette période de conciliation avec le cinéma. Et c'est ce qui n'est plus maintenant, peut-être dans la phase où nous sommes, dans la mesure où Marrakech... commence à ressembler à un peu toutes les villes du monde, à mesure que les villes du monde se trouvent dans la phase du cinéma parlant, du cinéma agressif aux couleurs fortes. Traverser la Médina de nuit, c'est affaire d'oreille, plus que de vue. Le silence de fond de jour se dépose. Toute chose s'élonge devant toi. Derrière toi, se referme. prêter l'oreille. Chlore, à demi les yeux. L'attrait, oui, l'attrait qui fige, forcené. Laissez trembler. Ouvre l'œil tout grand, souris de toutes tes dents, et si tu atteins ton oreille, mords-la. ACR, atelier de création radiophonique. Et sa phrase sera la ville, Marrakech. Par René Farabé, Colette Fellous, Georges Sebag, Daniel Siboni, Claude Ollier, Marrakech Médine, extrait et un fragment à temps décalé. Simon Abitbol, Haïm Siboni, juif, arabe, Mella, Médina. Lolé Bellon, Michel Bouquet. Chef opérateur du son, Jean Delorant. Collaboration technique, Mireille François, Jacques Lémet. Et sa phrase sera la ville, Marrakech. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 octobre 1981. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. وانا واسير خلي وانا يا ربي يا مولاي وانا يا ابو يحنيني وانا بيعلي يا وانا احيا نسيني وانا بيعلي يا وانا مراكش الحمراء وانا